partie de Saïd, notamment de la lecture de l'orientalisme, et je me suis proposé d'interroger la manière dont la littérature d'expression française et d'expression arabe du monde arabo-musulman, c'est un concept problématique, ça, arabo-musulman, enfin pour aller vite, donc la manière dont cette littérature a pris en charge, mis en scène et pensé l'Occident, bon, concept compliqué, mais pour aller vite, hein, un peu d'essentialisme stratégique, voilà, depuis l'expédition d'Égypte, par les moyens formels propres à la littérature d'idées et à la littérature fictionnelle. Et c'est cette représentation de l'Occident, souvent complexe et multiple, que je propose d'appeler les occidentalismes, plutôt que l'occidentalisme au singulier, le singulier engage vers un réductionnisme essentialiste, plutôt au pluriel, les occidentalismes de la littérature arabo-musulmane dans les deux langues. Donc je vais insister dans cette communication sur la problématisation de la notion, hein, sur la construction du concept, et puis je formulerai quelques observations, encore un peu schématiques, qui, j'imagine, pourraient être complétées notamment par plusieurs collègues ici dans la salle, sur la manière dont on pourrait mobiliser ce concept d'occidentalisme dans la littérature. Premier moment de la problématisation, la périodisation. Je pars de l'expédition française d'Égypte, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est en effet un moment extrêmement important pour l'histoire de l'islam comme ère de civilisation. Bon, c'est un échec militaire, mais ça va avoir une influence d'abord culturelle fondamentale pour le monde arabe, pour l'Égypte, et ensuite pour plusieurs pays arabes. Puis ça va ouvrir une séquence, hein, historique nouvelle dans l'histoire. Peu à peu, la globalisation musulmane, qui avait dominé une partie du monde pendant plusieurs siècles, va passer de plus en plus étroitement sous la domination d'une autre globalisation, désormais supérieure, la globalisation européenne, en trois grands moments pour aller vite historique, hein, l'époque précoloniale, l'expansion impérialiste, l'époque coloniale, la domination européenne directe, et les indépendances et l'époque post-colonial. Évidemment, la notion de domination devrait être nuancée selon les périodes historiques, dans la mesure où ses effets sur l'islam n'ont pas joué de la même façon avant, pendant, après la colonisation. Et de même, il faudrait différencier les différentes ères au sein de l'islam et même au sein du monde arabe. Sans doute que les pays du Mashrek ont, du fait que les mandats n'ont pas subi une domination coloniale, exactement celle des colonies au Maghreb, etc. Bon, il y a toute une série de différenciations internes, évidemment, et de nuances à apporter à l'idée de domination. Enfin, je pense que globalement, depuis l'expédition d'Égypte, il y a un rapport de force qui s'est établi massivement en faveur de l'Occident. Et ce qui m'intéresse, c'est que cette influence, cette mainmise pluridimensionnelle de l'Occident a conduit le monde arabe et plus généralement l'islam à développer à l'égard de l'Occident une attitude ambivalente entre fascination et rejet, et surtout la domination occidentale a amené le monde arabe musulman à considérer l'Occident comme son autre privilégié, comme son altérité de référence. Et évidemment, cette altérité a pu ensuite être conçue de différentes manières, hein, c'est-à-dire soit dans la vision libérale des différents courants, entre guillemets, modernistes de l'islam, sous la forme d'une différence relationnelle entre deux identités historiquement construites et évolutives, soit dans la vision des différentes tendances, entre guillemets, islamistes, sous la forme d'une altérité ontologiquement distincte, antagonique. Voilà. Deuxième moment de la problématisation du concept, la représentation de l'Occident dans ce cadre historique. L'histoire des relations entre l'Occident, hein, pour ne pas pour aller vite, et les différentes composantes de la civilisation musulmane a fait l'objet de très nombreux travaux, bien sûr, qui portent pour partie sur l'étude qu'on appelait avant imagologie et représentation musulmane de l'Occident. Et je me suis proposé de reprendre à nouveau frais cette question de la représentation de l'Occident, en restreignant l'interrogation à l'ère arabe et en incluant aussi ses composantes chrétiennes, berbères, juives aussi, Donc, en mobilisant ce concept d'occidentalisme, non pas au sens de où l'emploie deux auteurs, Yann Bourouma et Avishai Margalit, hein, dans un livre qui s'appelle L'Occidentalisme, une brève histoire de la guerre contre l'Occident, qui est paru en 2004, traduit en 2006, puisque ces deux auteurs le définissent comme une posture de haine contre l'Occident, hein, d'abord né en Occident d'ailleurs, puis exporté, et dont l'islamisme radical serait aujourd'hui l'une des expressions contemporaines. Donc, ce n'est pas dans ce sens-là que je veux utiliser le terme d'occidentalisme, le concept, mais dans un usage symétrique de la notion d'orientalisme. Telle qu'elle a été théorisée par Saïd dans son livre. Et ma réflexion est donc parallèle à celle qu'un collègue de l'université d'Amsterdam, qui s'appelle Robert Woltering, a mené, lui, dans un livre qui s'appelle Occidentalism in the Arab World, Ideology and Images of the West in the Egyptian Media, paru en 2011. Mais lui, à utiliser ce concept d'occidentalisme, des occidentalismes, j'utilise au pluriel aussi, mais avec un corpus de médias et de médias égyptiens contemporains. Alors, donc, partir de Saïd, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord comprendre que la manière dont Saïd construit lui-même son concept, disons, d'orientalisme. Bon, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir trop longtemps dessus, mais c'est important quand même de ressaisir les idées fortes, hein, les grands éléments de la thèse, disons, du livre de Saïd. Bon, on sait que Saïd a plusieurs définitions, à plusieurs échelles de l'orientalisme, hein, puisque, bon, comme il le dit dès l'introduction du livre, hein, l'orientalisme, c'est une institution globale, hein, qui traite de l'Orient, alors qui en traite par des déclarations, des prises de position, des descriptions, un enseignement, une administration, un gouvernement, etc. Bref, c'est un style occidental de domination, de restructuration et d'autorité sur l'Orient. Cette citation, Saïd. Bon, on peut rappeler qu'il explique comment, depuis le Moyen-Âge au moins, mais probablement en fait depuis l'Antiquité, les Européens ont créé, hein, fabriqué un découpage, ont distingué ontologiquement et épistémologiquement l'Orient et l'Occident, et ont affirmé la supériorité de l'Europe sur l'Orient. Et Saïd dit que la dimension dramatique, c'est qu'il ne s'est pas seulement agi d'un banal ethnocentrisme, qui est le fond, l'apanage de l'humanité, hein, mais que cette création intellectuelle de l'Orient a été dès le départ l'expression d'une volonté de puissance et de domination de l'Europe, que la constitution dès les origines d'un savoir sur l'Orient a été en soi un acte de possession qui a préparé, annoncé et préparé une hégémonie réelle dont réalisé ensuite à plusieurs siècles de distance, mais dont la fondation réside dans ce geste inaugural de ce savoir, entre guillemets, évidemment qui n'est pas un savoir pour ça, être créateur de l'objet. Donc la domination intellectuelle a précédé, préparé, puis ensuite accompagné et légitimé la domination effective, militaire, politique, économique de l'Occident sur le monde. On connaît bien ces thèses de Saïd, on sait aussi qu'elles ont été critiquées, et notamment en France, où la réception de Saïd, je ne sais pas si ça a été abordé ça au cours de la première journée, mais j'étais beaucoup intéressé à ça, moi, cette année, la réception française de Saïd, hein, bon, d'autant que j'ai invité, par exemple, François Pouillon à Montpellier, donc des anti-saïdiens comme ça. On lui a reproché, comme on le sait, on a reproché à ce livre d'être caricatural, d'être généralisant, d'être anhistorique, d'être essentialiste, excessivement politisé. On lui a reproché finalement d'avoir essentialisé à son tour l'Occident, d'avoir pratiqué un orientalisme inversé. Puis on a fait remarquer que Saïd ne proposait pas d'épistémologie alternative, hein, déconstruit le savoir orientaliste, sans dire si et comment on peut parler alors des Arabes ou des musulmans. Tout ça. Alors, sans adopter ce point de vue déconstructionniste radical, hein, qui est celui de Saïd, pour toutes les raisons qu'on a abordées au cours du colloque dans son livre, je retiens quand même sa définition politique de l'orientalisme, et sa définition de l'orientalisme comme expression globale de la domination de l'Occident sur l'Orient. Je retiens deux choses qui sont des évidences, sans doute, pour des intellectuels ou des universitaires, mais qui ne semblent pas l'être complètement pour beaucoup de gens. D'abord, la représentation de l'altérité, entre guillemets, là encore un concept problématique, hein, que les ethnologues utilisent de moins en moins, mais représente la représentation pour éviter de l'altérité d'ordre conceptuel ou d'ordre imaginatif n'est jamais neutre, puisqu'elle est toujours surdéterminée par les rapports de force historiques. Deuxièmement, les représentations dominantes sont celles de la culture dominante, qui les produit et les utilise pour légitimer sa domination. Ça a été le cas de l'orientalisme, ça a aussi été le cas du discours esclavagiste, ça a été le cas du discours colonialiste. Il faudrait peut-être nuancer quand même ce lien entre savoir et pouvoir dans le cas des discours savants, qui sont pas neutres non plus sur le plan politique, mais qui sont censés en tout cas inclure une dimension de réflexivité critique quant à leur situation dans le champ politique. Alors, à partir de ce point de départ, c'est bien, hein, mon projet vise à renverser la perspective et à comprendre, à travers ce concept d'occidentalisme, comment le monde arabo-musulman a, pour sa part, et parallèlement, enfin en tout cas depuis l'expédition d'Égypte, hein, perçu, construit, créé son Occident, ses Occidents. Alors, petite parenthèse supplémentaire dans la problématisation du concept, hein, parce que c'est un moment important quand même. Todorov, dans sa préface à l'édition française, la première de 1980, a cette formule quand même très, je trouve, marquante. Est-ce un hasard, dit-il, si d'une part il y a un discours orientaliste en Occident, mais aucun discours occidentaliste en Orient, et si de l'autre, c'est justement l'Occident qui a dominé l'Orient? C'est évidemment une question intéressante, mais qui devrait être nuancée. Évidemment, si on définit l'orientaliste à la manière de Saïd, il suppose une position globale de domination, et on ne peut donc pas parler symétriquement d'occidentalisme, hein, vraiment. Absolument symétriquement d'occidentaliste, supposerait que les musulmans aient été vis-à-vis de l'Occident dans une position historique de domination semblable, ce qui n'a évidemment pas été le cas au XIXe siècle et au XXe siècle. Mais on trouverait au Moyen-Âge des situations arabo-musulmanes de domination sur l'Occident, fondées sur un ethnocentrisme musulman clair. Par exemple, une des grandes expressions de ça, c'est le Kitab al-Irtiba de Oussama ibn Mokhtar, hein, ce fameux politique et mémorialiste syrien de la fin du XIIe siècle. Et il faudrait se demander si au Moyen-Âge, il n'y a pas eu quelque chose comme une idéologie et un mode de domination reposant sur l'affirmation de la supériorité musulmane, c'est très clair chez Oussama ibn Mokhtar. Il faudrait se demander aussi ou interroger le discours arabo-musulman sur toutes les cultures des territoires conquis pendant les futuhat, les guerres de conquête de l'islam, et se demander si cette ère de civilisation a, comme beaucoup d'autres civilisations, construit son identité par différenciation hiérarchisante. Je crois que ça a été le cas aussi, mais là, je suis moins spécialiste des gens du Moyen-Âge. En tout cas, il est clair que depuis le XIXe siècle, les rapports de force historiques massivement favorables à l'Occident ne permettent pas de parler d'occidentalisme dans un sens simplement symétrique de l'orientalisme. Et d'ailleurs, il n'y a pas, avant de la fin du XXe siècle, hein, à ma connaissance, mais là encore, peut-être que vous me ferez remarquer que ce n'est pas le cas, mais au contraire, si c'est le cas, je serais curieux de savoir, mais à ma connaissance, le premier à avoir utilisé le terme de Istirala, qui serait vraiment la traduction d'occidentaliste, c'est l'égyptien Hassan Hanafi, dans son Muqaddima fi ilm al-Istirala, introduction à une science de l'occidentalisme, qui date de 1991. Donc, si on entend occidentalisme de manière symétrique à celle d'orientalisme chez Saïd, il n'y a pas de tradition ou de pratique occidentaliste dans le monde arabe ou en islam. Mais je propose de maintenir le concept, quand même, en termes à la fois de critique littéraire, d'analyse du discours et d'imagologie, de représentation de la réalité, pour désigner la manière dont le monde arabo-musulman s'est représenté l'Occident. La nécessité de prendre en compte le facteur historique dans la construction du concept ne permet pas de le définir dans un sens imagologique neutre de représentation, et je pense donc qu'il faut le définir ainsi. C'était long, hein, je suis d'accord, mais il faut problématiser. Les occidentalistes ne signifieraient pas un hégémonisme, mais un discours arabo-musulman sur l'Occident en situation dominante. Un ensemble de représentations, de constructions imaginaires ou rationalisées produites par les dominés. Donc des représentations en position dominée. Bien sûr, celles-ci, comme c'est le cas chez Hassan Hanafi, peuvent éventuellement revendiquer le renversement des rapports de force culturels, revendiquer ou prétendre constituer l'Occident en objet, objectiver l'Occident, et prendre ainsi la forme d'un contre-discours de résistance intellectuelle à la domination occidentale. Troisième moment de la problématisation, mobiliser ce concept sur un corpus littéraire, parce que c'est ce que va faire le spécialiste de littérature. Et donc la question c'est comment la littérature arabo-musulmane a-t-elle pris en charge la représentation de la domination occidentale? Quel discours occidentaliste au pluriel a-t-elle produit depuis le début du XIXe siècle et à partir de quelle position des académies? Il me semble que ces deux questions peuvent se subdiviser en trois questionnements directeurs. Premier questionnement concerne ce qu'on a appelé le penser littéraire. Il y a beaucoup d'ouvrages de critique littéraire qui, depuis une dizaine d'années, s'intéressent à la manière dont la littérature pense, par les moyens formels propres à la littérature, c'est-à-dire de manière pas exclusivement conceptuelle. Je vais toute une liste de livres, mais je pense que c'est pas inutile. Comment donc la littérature peut-elle constituer un espace spécifique de réflexion, distinct des autres discours sociaux, sur l'Occident? Deuxième questionnement directeur, faut-il envisager une construction littéraire d'Occident différenciée des occidentalismes, des typologies littéraires arabo-musulmanes de l'Occident, selon les sujets du discours et selon les options idéologiques? Par exemple, Robert Waltering, dans son livre sur les médias égyptiens, propose une typologie à cinq termes. Il parle de l'Occident bénéfique, l'Occident maléfique, l'Occident faible, l'Occident réapproprié et l'Occident idéalisé. Donc cinq types d'occidentalisme produits dans les médias. Est-ce que c'est opératoire pour la littérature? Et puis, troisième questionnement directeur, comment penser les rapports de la littérature arabe d'expression arabe et la littérature arabe d'expression française? On pourrait y ajouter, mais ça, j'y connais pas grand-chose, mais c'est ma collègue Claire Gagnac qui a évoqué cette idée, la littérature arabe d'expression anglaise, je ne la connais pas du tout, mais je crois qu'elle existe, notamment en Palestine, mais peut-être pas seulement. Il faudrait l'inclure aussi dans le corpus pour savoir si des écrivains en anglais ou on dit des choses encore un peu différentes, des écrivains en arabe ou en français. En tout cas, inscrire ce bilinguisme aussi dans la réflexion. Alors, est-ce que ces écrivains, selon leur langue, ont tenu exactement le même discours sur l'Occident, ou est-ce qu'il y a une différenciation linguistique de l'occidentalisme? Donc, dans un deuxième temps, je vais proposer quelques lignes de réflexion un peu schématiques hein, sur la manière dont on pourrait mobiliser ce concept pour essayer de penser du coup voilà, les occidentalistes de la littérature par rapport à l'humain tel que ça m'apparaît maintenant, mais ça appelle vraiment un développement, des lectures, beaucoup, voilà, et puis j'imagine qu'il y aurait plein d'autres petites idées, enfin c'est un grand chantier. Hein. Il me semble que enfin, on peut distinguer le 19e siècle et le 20e siècle. Il me semble que le XIXe siècle est le siècle de ce qu'on pourrait appeler un occidentalisme dominé. Et que cette problématique concerne essentiellement des écrivains de langue arabe, et pas tellement des écrivains arabes de langue française. Pour des raisons, je pense, assez évidentes, hein, c'est-à-dire, jusqu'au XIXe siècle, le faible taux de scolarisation et d'alphabétisation en français, disons, dans le monde arabe. Bon, là, il faudrait introduire une nuance entre le Maghreb et le Mashrek, parce qu'évidemment, le Mashrek, le français est une langue beaucoup plus ancienne, comme langue de culture, à cause en particulier de l'ancienneté des missions chrétiennes, des établissements scolaires religieux, et j'ai découvert récemment, par exemple, la thèse d'une doctorante égyptienne, qui est sa thèse sous la co-direction de Sarga, Moussa, qui est une collègue égyptienne, qui porte sur deux hommes politiques égyptiens de premier plan à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle qui ont écrit des mémoires en français. Voilà. Donc il y a des écrivains francophones, c'est sûr, dès la fin du XIXe siècle au Maghreb. Mais au Maghreb, il me semble, à cause du fait que la pénétration du français est plus tardive et limitée numériquement, on trouve peu, bon, encore on doit en trouver, j'imagine, enfin peu d'écrivains arabes de langue française. Et pour l'essentiel, la représentation est donc portée par des écrivains en langue arabe, disons la représentation occidentaliste. Et il me semble que la grande ligne de force au XIXe siècle, chez ces auteurs d'expression arabe ou arabophone, c'est celle d'une attraction occidentale et d'une fascination pour le modèle européen. C'est déjà le cas chez Al-Jabalti, qui a été témoin de l'expédition d'Égypte, malgré son hostilité envers les occupants français. Et c'est le cas de manière exemplaire chez Tartawi, dont on pourrait parler longtemps, je suis beaucoup intéressé à son œuvre. Et en tout cas, voilà, simplement, disons que Tartawi considère la France comme un modèle, et dans l'or de Paris, hein, Tarkis et Ibris, Tarkis et Teris, publié en 1834 au Caire, fonde le mythe de la modernité française, donc de l'Occident, disons, positif, à imiter, sous certaines conditions quand même, puisque les Français ne sont pas croyants, ça c'est un problème. On pourra faire remarquer d'ailleurs que cet occidentalisme de la fascination-imitation ne concerne pas seulement le procès de la représentation lui-même, mais les formes même de la littérature arabe, puisque la narda, qui d'ailleurs devrait être définie dans un sens d'abord littéraire, avant d'être considérée de manière globale comme la renaissance sociale, hein, et politique, s'est traduit, et Tartawi en a été l'un des artisans, par l'importation de nouveaux supports, de nouveaux genres et de nouveaux thèmes, dans la langue arabe, et aussi par une modification de la langue arabe elle-même. Et Tartawi a joué là aussi un rôle de premier plan comme traducteur. Il a contribué avec son école de traducteurs à introduire beaucoup de termes occidentaux dans la langue arabe. Il a aussi contribué à assouplir, simplifier la syntaxe arabe, etc. Bon. Alors, la narda, on sait, enfin, la première narda, ce livre de Suzanne Elisabeth Cassad, hein, qui distingue plusieurs nardes. En tout cas, la première narde à penser échoue autour de la Première Guerre mondiale. Hein, pourquoi ? Parce que cet optimisme naît de l'espoir de rattraper le progrès technique, scientifique et culturel de l'Occident. Se heurte à la désillusion, l'amertume et le ressentiment provoqués au début du XXe siècle par la réalité brutale de l'occupation coloniale et par la contradiction cynique, hein, entre les discours universalistes européens et la réalité de leur mainmise sur les territoires arabes. Et il me semble qu'à partir de là, début du XXe siècle, les écrivains, comme tout d'ailleurs intellectuels de manière générale, arabes, vont basculer dans un moment de crise ou de doute et faire entrer le XXe siècle dans ce que j'appellerais provisoirement, en tout cas, l'occidentalisme de l'ambivalence. Voilà. Il me semble que bon, ça peut être affiné, mais je crois que ce terme d'ambivalence permet de bien saisir vraiment la dualité du rapport à l'Occident. C'est d'ailleurs un point commun entre les écrivains d'expression arabe et d'expression française, hein. Cette fascination qui perdure et cette hostilité, voire cette haine face à la perpétuation de l'hégémonie occidentale et son refus de s'ouvrir au monde arabe et à l'islam et donc au principe de l'échange. Il y a un roman qui me semble fondamental sur cette question, c'est « Saison de la migration vers le Nord », c'est « Matrija la Pédale Chamal » de l'écrivain soudanais Taïb Saleh, hein, qui est vraiment très marquant, justement, pour ça du roman. Donc vous savez qu'un des personnage, pas le narrateur, mais ce personnage que le narrateur rencontre dans un village soudanais, Mustafa Saïd, a été un brillant sujet colonial en Angleterre, hein, et se prétendait libérer l'Afrique avec son sexe, hein, et donc s'est vengé au monde de la domination coloniale sur les femmes anglaises. Il a eu successivement 3 amants qui se sont suicidés à cause de lui. Il épouse une 4e anglaise qui le trompe et qu'il tue d'un coup de poignard dans le cœur dans le livre même où il fait l'amour avec elle. Voilà. Mais ce qui est très frappant, c'est qu'à la fin du roman, bon, Mustafa Saïd a disparu ou est mort, et le narrateur ouvre une pièce, il lui donne une clé, une pièce que personne n'avait jamais ouverte. Qu'est-ce qu'on découvre dans cette pièce ? Une bibliothèque anglaise, parfaite, avec tous les livres en anglais, les meubles en anglais, etc. Donc, voilà, c'est aussi le roman de cette aliénation, enfin de cette ambivalence, là, fascination. On pourrait citer aussi des analyses qui me semblent assez très pertinentes de Sarah Stettier dans un texte qui s'appelle Archer aveugle. Enfin, c'est un texte qui s'appelle Deux fascinations bloquées dans un livre qui s'appelle Archer aveugle. Je crois que voilà. Sarah Stettier dit d'un côté un Occident triomphant, maître de lui comme de l'univers, sûr de son droit et du devoir des autres envers lui, créateur et formulateur, et qui voit s'ouvrir devant lui avec tous les périls attachés à la plus vertigineuse avance connue de l'espèce, l'ère de ce qu'on surnommera la dimension technique et technologique. D'autre côté, un ensemble arabo-musulman disqualifié par des mutilations morales et politiques successives, annexion et colonisation, humiliation et dépossession, avec la seule compensation du recours à l'imprescriptible justice divine. D'un côté, l'arrogance occidentale, de l'autre, le repli d'une conscience, donc arabe, irrémédiablement blessée, blessée aussi par ce qu'elle reçoit ou conçoit de sa propre démission devant un monde et une histoire rendue soudainement inexplicables. Salah Stetier dit, l'intellectuel arabe est ainsi placé dans une situation singulièrement inconfortable. Soit que, fidèle à ses racines, il récusa les valeurs de la culture importée quand il a pu vérifier pourtant la très précise adéquation aux exigences d'un monde en pleine mutation, soit au contraire qu'il se fit, contre le fixisme de sa culture originelle, le complice de cette autre culture et de son système de signification. L'intellectuel arabe est ainsi, dans quelques perspectives qu'il se plaça, naturé, métissé, d'ambiguïté. Et ça a été par d'identité explosée. Et quelques pages plus tard, il passe en revue les romans arabes du XXe siècle, et il a cette phrase « Il n'y a pas en Europe ni en Occident, romanesquement ou littérairement parlant, un arabe. » Alors, même si c'est une ambivalence commune aux écrivains d'expression arabe et d'expression française, il me semble qu'on peut quand même faire une différence, là, distinguer la situation des uns et des autres. Et il me semble que cette différence tient à la langue d'écriture. La francophonie arabe, ou la réunion, c'est les littératures arabes d'expression française, avec plusieurs différences internes, Maghreb, Mashrek, qui sont les pays, etc., sont quand même pour l'essentiel une création coloniale et une réalité post-coloniale. C'est donc, le français est donc une langue qui n'est forcément pas neutre, c'est celle du dominant, celle du colonisateur. Alors que l'écrivain arabophone, qui est lui aussi influencé et comme on l'a vu aliéné d'une manière par l'Occident, et peut-être, mais c'est une hypothèse, hein, sans doute qu'on devrait la nuancer, peut-être davantage protégé par sa langue, par l'arabe, que l'écrivain français qui écrit directement dans la langue de l'autre. Alors vous me direz que c'est peut-être pas. Enfin, c'est une hypothèse, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que la langue arabe aussi, elle a été touchée, au fond, par l'occidentalisation, on l'a dit tout à l'heure, les emprunts, etc. Enfin voilà, il me semble que l'écrivain francophone est encore plus au cœur de cette contradiction du fait même qu'il utilise la langue de l'autre. Au Maghreb notamment, hein, où la réalité est sans doute la plus brutale en raison de l'histoire coloniale, l'écrivain maghrébin de langue française utilise la langue de la domination coloniale, beaucoup reproché comme une trahison. Il écrit depuis toujours pour un public français de métropole, car il y a sociologiquement très peu de lectorat francophone au Maghreb, ce qui renforce ou accentue sa position ambivalente vis-à-vis de l'Occident, ce qui a conduit aussi certains auteurs à passer du français à l'arabe, comme Rachid Fouchedra par exemple, ou comme Kateb Yassine, hein, finit par écrire des pièces en arabe dialectal, mais sans nécessairement d'ailleurs trouver le succès espéré sur le plan littéraire ou sur le plan politique. En tout cas, pour les francophones, le français est quand même un élément central dans ce que on pourrait appeler le drame de l'acculturation, particulièrement pendant la période coloniale. Là, on peut citer par exemple les analyses d'Albert Mémine, hein, dans le portrait du colonisé, sur le bilinguisme colonial, qui est défini comme un drame linguistique, hein, un dualisme linguistique. Mais même si après les indépendances, il semble qu'il y ait une sorte d'apaisement vis-à-vis de la langue française, ou un rapport plus serein, Abdelatif Lahabi, dans le numéro manifeste de Souffle en 1966, la revue Souffle, défend l'idée qu'on peut sans paradoxe utiliser le français. Bon, mais d'un autre côté, l'apaisement, le relatif apaisement, ne signifie pas pour autant la fin des contradictions, ni la suppression du malaise colonial, comme en témoignent par exemple hein, deux écrivains, Khatibi, qui parle donc des difficultés de l'être bilingue, ce qu'il appelle l'être bilingue, hein, la difficulté à concilier les appartenances culturelles contraires. Mais aussi, on peut citer par exemple Asiyah Jebar, qui a beaucoup réfléchi aussi à penser qu'elle qualifie de tunique de Nessus, hein, quand même, qui est une langue ambivalente, puisque c'est à la fois c'est la langue du dominant, mais c'est aussi la langue de la liberté, et qui permet notamment d'évoquer la condition féminine. Cette ambivalence par et dans la langue française se thématise de manière oppositionnelle. D'un côté, en effet, l'écrivain, là je le prends plus particulièrement comme exemple, l'écrivain Magladin, notamment dans la première phase, disons dans les années 1950, relève de ce que le critique littéraire Bernard Moralis a appelé les contre-littératures dans le bref de 1975. C'est-à-dire que les écrivains maghrébins de langue française veulent exprimer un point de vue interne, contester la vision occidentale, en l'occurrence la vision orientaliste, mais en réalité on peut faire la même analyse pour les écrivains africains de langue française, exactement à la même époque, d'ailleurs à cela que s'intéresse Moralis. On pourrait même d'ailleurs faire la même analyse pour la littérature antillaise, qui pourtant, bon, elle n'est pas dans la même situation postcoloniale, parce que ça relève du premier empire. Bon, des contre-littératures, exprimer un point de vue interne, contester la vision occidentale, combattre le discours colonialiste et réhabiliter les cultures non occidentales. L'occidentalisme de ces écrivains, et notamment donc de langue française au Maghreb, se présente donc comme un double renversement du point de vue, une double transformation du représenté en représentant, en sujet de la représentation. C'est bien ça dont il s'agit. Il s'agit à la fois d'une contre-représentation du monde arabo-musulman par lui-même, d'un contre-orientalisme, on pourrait dire, et d'une représentation du dominant par le dominé. Donc double renversement. Dans les deux sens, cet occidentalisme de la littérature est bien une réaction post-coloniale. Mais d'un autre côté, les écrivains arabes, et notamment de langue française, se trouvent aussi en situation de rupture par rapport à leur culture d'origine et, par le détour occidental, font une critique du milieu familial et social, par exemple la révolte contre le père, contre l'ordre social injuste et hypocrite, chez Shraibi, chez Boudjelra, etc. Et après les indépendances, effectue une critique politique et sociale de la faillite des États post-coloniaux. Donc finalement, l'occidentalisme se présente toujours de la même façon, c'est-à-dire comme à la fois une position ambiguë par rapport à l'Occident et comme une représentation ambivalente de l'Occident. D'un côté, ces écrivains ont été éloignés, bon là je parle essentiellement des écrivains françaises, par l'école et par la langue de la société d'origine, sans pour autant basculer du côté de l'assimilation, sans totalement pouvoir adhérer aux valeurs occidentales, ni même pouvoir être véritablement admis ou accepté par la France. Donc il y a à la fois une possibilité critique et un plurilinguisme qui peut être vécu comme un processus enrichissant d'une identité augmentée, car plurielle ou multiple, et simultanément, il y a un déchirement et un sentiment d'être, comme dit Saïd, out of place, en permanence. Là aussi, on pourrait renvoyer à deux textes importants d'Albert Memmi, la statue de sel, et encore une fois, le portrait du colonisé, où Memmi se considère comme étant à cheval sur deux civilisations, et dit de manière un peu familière, à vouloir s'asseoir sur deux chaises, on n'est jamais assis nulle part. On pourrait comparer la situation de ces écrivains arabophones et francophones, particulièrement francophones, avec celle des intellectuels arabes. Et là, je renvoie à ce livre que je citais ce matin de Thomas Brisson, que je trouve remarquable, Les intellectuels arabes en France, où lui-même dit ceci, je le cite, qui s'est intéressé à la trajectoire des intellectuels arabes qui sont peu à peu intégrés au système académique français et qui ont eu à contester, souvent de manière subtile et de l'intérieur, l'orientalisme des scientifiques. Il dit ceci à propos des intellectuels, mais finalement c'est pas très éloigné des écrivains, il y a une position commune. Une des clés de compréhension de leur position est leur relation ambivalente à l'Occident, à sa culture et à ses sciences. Proximité et distance semble indissociablement caractériser les relations entretenues entre les intellectuels arabes et l'Occident. Il existe en effet une réelle proximité qui fait que la plupart des intellectuels se déplacent naturellement dans les systèmes épistémologiques occidentaux, mais demeure parallèlement un effet d'étrangeté qui fait qu'un intellectuel arabe n'est pas complètement comparable à un intellectuel européen. Il reste tributaire d'une histoire en partie différente de ses références, ses héritages culturels ou politiques propres. Structurellement liée à la pénétration européenne en terre d'islam, la figure de l'intellectuel moderne participe tout autant du mouvement d'homogénéisation culturelle et d'universalisation qu'elle produit que de celui de retour vers soi et d'auto-affirmation identitaire qui lui a en retour été opposé. Figure de deux mondes, le moussaqaf, bon, là c'est l'intellectuel, mais bon, ça va aussi pour cette idée-là, et plus précisément, une position qui se crée au moment où se redéfinit une coupure entre ces mondes. Cette double participation forme l'un de ces traits les plus saillants. Et puis, il faudrait compléter cette schématique. Présentation un peu schématique hein, des occidentalismes de la littérature arabe par une réflexion plus sociologique cette fois sur la manière ambiguë et souvent difficile dont ces écrivains ont été marginalisés, voire exclus dans les champs littéraires, donc en mobilisant la notion bourdieusienne de champ, telle qu'elle a été aussi beaucoup utilisée récemment en sociologie de la littérature, puisque ces écrivains, au fond, là, ça vaut surtout pour les écrivains arabes francophones, bien sûr, ça vaut pour eux, n'ont jamais totalement été intégrés à la littérature française, hein, et d'ailleurs, ils sont considérés comme francophones, et bon, pastiché, le titre d'un livre désormais célèbre d'Alain Badiou, de quoi la francophonie est-elle le nom? C'est le nom d'une exclusion postcoloniale, hein, tu peux le dire, hein, et que ça concerne que les écrivains postcoloniaux, alors que les écrivains européens de langue française, comme UNESCO, Beckett, Laurent Gaspard, Kundera, etc., sont très vite assimilés à la littérature française et considérés comme des écrivains français. C'est qui les francophones? C'est toujours les postcoloniaux. Et même les Antilles, ce qui est quand même invraisemblable. Les Antilles, c'est quand même un département. Enfin, Martinique et Guadeloupe, c'est des départements français, mais postcoloniaux du premier ordre. Voilà. Donc, inscription compliquée, problématique dans le champ littéraire de la littérature française. Hein. Alors là, on pourrait en parler très longtemps, parce que je m'y intéresse de près, mais enfin, ça se vérifie à tous les niveaux du système littéraire jusqu'à l'université. Hein. Bon. Mais en même temps, ces écrivains francophones, arabes francophones, n'ont jamais été complètement intégrés à la littérature arabe. Ils ont aussi fait l'objet non, d'une marginalisation, d'une exclusion symétrique de la part de la littérature arabe. Donc finalement, c'est cette double exclusion, double marginalisation qui fait leur position tragique, c'est peut-être aller trop vite, c'est peut-être en dire trop, mais enfin, voilà, ambigu en permanence et inconfortable. En conclusion, je reviens à Saïd, qui, à la fin de l'orientalisme, déclare « Je ne crois pas que seul un noir peut écrire sur un noir, ni un musulman sur les musulmans, etc. » qui d'ailleurs devrait nuancer, amener à nuancer le geste d'assimilation de Saïd aux théories postcoloniales, hein, puisque bon, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de choses à commun, mais enfin, vous voyez par exemple, Saïd ne dit pas que seuls les subalternes peuvent parler de subalternes. Hein, mais dans un entretien de 1985, publié dans ce livre dont il a été question tout à l'heure, Dans l'ombre de l'Occident, petit livre chez Payot, Saïd dit, Saïd essaie de penser la manière dont on pourrait dépasser les représentations hégémoniques, et il dit l'alternative pourrait être un système de représentation participative, collaboratif, non coercitif. Un système de représentation qui ne serait plus imposé, mais comme on le sait, ce n'est pas simple. Nous n'avons pas immédiatement accès aux moyens de produire des systèmes alternatifs. Peut-être serait-ce possible à travers d'autres champs de savoir moins liés à l'exploitation. Mais nous devons d'abord identifier ces formations sociales, culturelles et politiques qui permettraient une réduction de l'autorité et augmenteraient la participation dans la production des représentations. Donc évidemment, horizon, cette utopie peut-être d'un système de représentation participatif, collaboratif, on pourrait peut-être dire aussi polyphonique, supposerait une modification des rapports de force historiques, qui sont au fondement des représentations hégémoniques, et supposerait aussi, mais je pense que évidemment les deux choses sont liées, une ouverture de l'Occident, entre guillemets, au modèle de la réciprocité et de l'échange, et une ouverture de l'Occident au discours occidentaliste, au discours des non-occidentaux, les écouter enfin ce que les autres ont dit de soi, est une nécessité, sur tous les plans, philosophiques, politiques, pour intégrer enfin, je termine sur des métaphores israéliennes et musicales, leur contrepoint dans le concert authentique des nations.